Les Chinois sont des infidèles, adorant des idoles, brûlant leurs morts, comme les Hindous. Le roi de Chine, l'empereur, est un tatar de la lignée de Genghis Khan. De toute façon, dans chaque ville, il y a un quartier où vivent les musulmans, séparés du reste de la population. Mais ils ont leur mosquée où célébrer le vendredi et ils sont respectés et honorés par leurs concitoyens. Les Chinois idolâtres mangent de la viande de porc et de chien qu'ils vendent sur les marchés. Ce sont des gens aisés qui vivent bien, quoique pas très exigeants pour la nourriture ou l'habillement. Pourtant, les Chinois sont amateurs d'objets en or et en argent, comme maintenant les roulettes qu'ils utilisent pour marcher et appellent la troisième jambe.